jamais dans ce pays qui est l'image du paradis, où sur les plages au sable d'or, sans se cacher on peut faire encore l'amour au grand soleil. Comme au premier jour, sous un coin de ciel, pour s'aimer toujours. Sur ta peau brune, vous salez, déjà je pose 10 000 baisers. On va s'aimer à corps perdu. Il n'y a pas de fruits défendus. L'amour. Je crois entendre dans les refrains d'une guitare qui chante au loin, sur la lagune au bord de l'eau, tous les reggae, tous les calypsos. L'amour au grand soleil, sur une île au parfum de miel, tous les décombres. S'aimer toujours l'amour.